kaila. Ce qui nous c'est femme qui tout pour travail. L'esclavage fini, loin de cuissage cassé vie. Pour ça en pays, ni des femmes qui qu'a Yeah.